On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue.